Selon la CBS sud-coréenne, une statue d'ouvrier réquisitionnée de force dénonçant les atrocités des impérialistes japonais vient d'être érigée dans la ville d'Incheon, Corée du Sud. Le service de dévoilement de la statue a eu lieu le 12 courant au parc Pupyeon de la ville. Par ailleurs, d'après Yonhap News de Corée du Sud, ont été découvertes dans un hôpital du département de Chiba, Japon, les données sur environ 100 Coréens qui ont subi du malheur et des souffrances à cause de la psychose atteinte lors de la guerre du Pacifique provoquée par les impérialistes japonais.